ma tête, ça caille encore une fois. J'ai trop fait le malin avec ma pierre et mon burin. Impossible d'oublier, elle a touché la cible. Ça fait 2 ans maintenant et je vois le bout de rien. Je vois rien, j'en vois plus une appareil. Putain, si elle savait, j'ai toujours cru l'oublier. Chaque jour, son image semblait s'effacer. Chaque jour, le mirage s'éloignait de la réalité. J'ai cru m'avoir fait une raison. J'ai cru que tout serait facile, mais j'ai touché le fond. Je crois bien que malgré elle, rien n'est éternel. Mais pourtant, je la vois, je la sens. J'ai l'impression de retomber de haut à chaque fois. J'en peux plus, elle me hante, elle me tente. Ça fait trop longtemps que j'attends de voir son image s'effacer, de la voir partir. Et moi, à chaque fois, je le crois. Je le vois, mais non, un jour à mon tour, j'ai voulu tout graver, maintenant je peux plus rien oublier. J'ai voulu tout graver, maintenant je peux plus rien oublier. J'ai l'impression d'être comme paralysé, hanté, bené, berné. Chaque jour que la déesse a passé, j'ai cru la voir s'en aller, mais je le savais pourtant. Plus rien ne m'attire, plus rien ne me tente, plus aucune coincée, emprisonnée dans ma propre réalité. La verrai-je toujours, la reverrai-je un jour. J'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin d'espace, de place dans ma tête. Mais tout remonte, les premières fêtes, les après-midi DVD, les esquives d'une belle mère qui ne voulait pas de moi. Les retours de vacances, le temps passé ensemble, jusqu'à plan de campagne. On allait, on restait aussi, planqué dans notre campagne. Je me rappelle les esquives chez le beau-père, les fraudes. On se cachait, on rigolait, on allait ensemble plus loin qu'elle le voulait. J'aurais pu tout construire avec elle, j'aurais pu lui ramener n'importe quoi. Je ne voyais plus aucun cul, elle seule comptait pour moi. Et je sais maintenant que rien n'est effacé, je pourrais tout recommencer. Malgré ce que j'ai pu dire, ce que j'ai pu faire, tout ce qu'elle m'a pompé comme air, tout ce que j'ai pu lui faire aussi. La mentir, pas la sortir, garder une jalousie qui déborde. Tout ce que j'ai pu écrire en son nom, mes 15 chansons en son honneur. Et voilà que je recommence, voilà que je me lance dans le trou de la dépendance. Me revoilà à la case départ, à chaque fois j'ai cru tout oublier. Mais un jour j'ai voulu tout graver. Elle reste la peste, elle veut pas partir de ma tête, j'en peux plus, merde. Ça fait déjà 2 ans, c'est le temps qui me joue des tours. C'est ça de l'amour, j'en veux plus, j'en veux pas. Plus jamais, je veux pas rester comme ça. Putain, impossible, tourner la page. Reste là, son image fait chier. J'en ai marre de cacher des journées, des soirées à penser à elle. Elle, qui ne reviendra pas, qui m'a déjà lâché. Oublié elle, qui est trop loin maintenant pour tenter de la rattraper. Elle, qui m'a fait souffrir, qui m'a fait sourire. Elle, que j'ai tant aimé, que j'ai tant du mal à oublier. Elle, elle qui m'a remis une paix plusieurs fois. Qui m'a projeté, mis à la poubelle, je t'ai rejeté. Un jour, j'ai voulu tout graver, maintenant je peux plus rien oublier. J'aimerais que tout soit terminé, mais pourtant elle est là, je la sens, je la vois encore une fois. Pourquoi elle sort pas tous ses souvenirs, ses rires, ses soupirs, sourire, tout ce que je revois, tout ce que je rêve, de ce qu'on m'apporte, une trêve, mais non. Un jour j'ai fait la promesse de la laisser me hanter, de jamais l'oublier, de continuer à écrire pour elle. Elle, qui m'a tant de fois fait souffrir, elle, qui m'a tant de fois fait sourire, elle, que j'ai tant aimé, elle, que j'ai tant du mal à oublier, elle, elle, qui m'a remis une pelle plusieurs fois, qui m'a crocheté, mis à la poubelle, je t'ai rejeté. Un jour, j'ai voulu tout graver, maintenant je peux plus rien oublier. Elle, elle, pour elle, je peux plus rien oublier. Elle, j'ai voulu tout graver, maintenant je peux plus rien oublier.